ce n'est pas se dit no es. Donc, ce n'est pas pour vous se dira no es para usted. Oui, mais ce n'est pas usted, hein, mais usted. Car le son U n'existe pas en espagnol. Le U se prononce toujours OU en espagnol. C'est donc usted. Usted. Attention, il faut bien insister sur la deuxième syllabe. Usted. Donc, no es para usted. Et c'est pour moi. No es para mí. Non. No es para mí serait ce n'est pas pour moi. Comment direz-vous c'est pour moi? Es para mí. D'accord. Donc, encore une fois, ce n'est pas pour vous, c'est pour moi. No es para usted, es para mí. Tout à fait. No es para usted, es para mí. Et maintenant, comment direz-vous « pour moi, ce n'est pas possible » ? Para mí, no es posible. C'est ça. Para mí, no es posible. C'est possible pour vous, se dira. Es posible para usted. Alors, attention, hein, il faut bien insister sur la dernière syllabe de usted. Usted. Es posible para usted.